Sur le jour, Landry, étant occupé à la semaille, fit passer la petite Fadette. Il était curieux de savoir ce qu'elle allait dire à Madelon. Il s'en alla pour écouter ce que tramaient entre elles ces deux jeunesses. La voix de la petite Fadette, pour être douce, n'en était pas moins claire, et il ne perdait pas une de ses paroles. Elle exposa du bon côté tout ce qui en était, et elle démontra que tout le mal venait de la fantaisie et de la vanité qu'elle avait eue de danser avec un grand gars, elle, qui n'avait jamais dansé qu'avec des petits. Qu'est-ce que ça me fait tout cela? Danse toute ta vie avec le baisson de la baissonnière, et ne crois pas greler que tu me fasses le moindre tort, ni la moindre envie. Et la Fadette reprit. Madelon, Landry vous a donné son cœur, et si vous ne voulez le prendre, il n'aura plus de chagrin que je ne saurais dire. La Madelon s'étonna aussi pour sa part du joli parler de la petite Fadette, mais elle la dédaignait trop pour le lui témoigner. Tu as une fille hardiesse, et on dirait que ta grand-mère t'a fait une leçon pour essayer d'enjoler le monde. Tu as trouvé un galant. Garde-le, ma mignonne. Ton Landry n'est qu'un sot, et il faut qu'il soit bien peu de choses, puisque tu viens me prier déjà de le reprendre. Vous croyez que j'ai dédaigné Landry? Eh bien, sachez, si cela vous plaît, que je l'aime depuis longtemps déjà, que c'est le seul garçon auquel j'ai jamais pensé, mais que je suis trop raisonnable et trop fier aussi pour jamais penser à m'en faire aimer. Il est beau, riche et considéré. Je suis laide, pauvre et méprisé. Punissez la petite Fadette en vous moquant d'elle et en lui reprenant celui qu'elle n'oserait vous disputer. Au lieu d'être apitoyée par tant de soumission et de dévouement, la Madelon se montra très dure et renvoya la petite Fadette. Mais le grand sacrifice que la Fadette avait fait d'elle-même porta son fruit. Madelon se glorifia de pouvoir tirer vengeance de cette pauvre fille. Elle alla le soir à la priche, elle se fit voir à Landry et de l'œil l'encouragea à s'approcher pour lui parler. Landry s'en aperçut très bien. « La Fadette est sorcière, pensa-t-il. Elle m'a rendu les bonnes grâces de Madelon. » Et, en pensant à cela, il regardait Madelon, mais si tranquillement qu'elle se retira, sans qu'il se fût encore décidé de lui parler. À peine eut-il soupé, qu'il fit mine d'aller dormir. Mais il sortit de son lit et s'en fut droit au gué des roulettes. Il espéra que le grelet vaguerait quelque part, aux environs. Force lui fut de rentrer, sans avoir pu remercier la bonne amie qui l'avait si bien servie.